La semaine passée, je vous avais mis l'eau à la bouche en parlant de Your Master is Calling, titre de Pink Turns Blue, issu de leur album Meta sorti en 88, mais je n'avais pas eu le temps de vous l'envoyer, erreur réparée. On peut à présent attaquer notre 226e Pop & Rock sur la trail locale RVR. Notre pote DJ de Backline nous a fait découvrir la semaine passée Kill the Princess et Belphegor's, et si ce soir ces deux groupes français ne seront pas parmi nous, nous allons profiter d'un troisième toujours conseillé par DJ. On écoute Clinic Rodeo pour découvrir Holy Night, sorti de leur nouvel album. There was a ghost. Oh, là, il faut être clair, c'est noir, c'est sombre, les nuits, dernier album en date de Clinique Rodeo. Si vous n'avez pas aimé, pas de chance pour vous, voici un second extrait des nuits de Clinique Rodeo, ça s'appelle Surprise. Je suis certain que si vous écoutez Clinique Rodeo, vous imaginez un groupe américain au cuir épais et là ce serait donc empli de préjugés que vous découvririez un duo mixte parisien. Eh ouais, d'ailleurs, les Belges qui arrivent à présent souffrent de la même méconnaissance. Voici les Belges de Black Box Revolution, nouveau chouchou de pop and rock sur la très locale RVR. As fast as I can to make me cocky, make me chatty, make me talk. Chouchou de notre programmateur. Ouais, merci la voix off, mais calme-toi. Thank you. Bon, là, je crois qu'on va être clair. On est vraiment dans du... Allez, comment dire ? Allez, on a dit du chouchou, mais je vais peut-être aller plus loin. Je pense que Black Box Revolution, pour Pop and Rock, c'est ce groupe. C'est le groupe rock du début 2023, voire du premier semestre 2023. C'est tellement bon qu'on va s'en jeter un troisième petit, en sachant qu'ils sont passés il n'y a pas longtemps dans un festival qu'il faut absolument qu'un jour ou l'autre nous visitions. Ça s'appelle l'Ancienne Belgique. Mais pour le moment, on écoute Mr. Big Mouth de Big Box, de Black Box Revolution, pardon. Une prise de tête, pas de doute, montez le son, Pop and Rock va vous soigner. Well, I'm really gonna party just like me. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce soir Pop'n'Rock vous fait voyager l'Allemagne avec Pink Turns Blue, l'Irlande avec les U2, la France avec Clinic Rodeo, la Belgique avec Black Box Revolution. Alors, il est temps de rejoindre le Kent, au sud-est de Londres, pour retrouver Slaves. Attention, c'est rock, pire, c'est punk! On your paycheck, are you done digging your grave? Put another hole in your paycheck. Are you done digging your grave yet? Put another hole in your paycheck. Are you done? You're dead already. Là maintenant, on n'est pas dans le bousin. Qu'est-ce qu'on peut programmer après Slave pour pas paraître fade? C'est une question. Dis donc, c'est toi le programmateur, débrouille-toi. Mais à mon avis, il faudrait encore de l'anglais. Tu sais là, comment il s'appelle ce groupe là avec la petite australienne? Ah, je vois de quoi tu parles. Allez, on se fait Sleaford Mods avec Amy Taylor. Connection, just stuck on silly ideas, 'cause it's all you can call. You Comme tous les lundis entre 17 et 18 heures, vous écoutez donc Pop and Rock, vous savez, cette petite émission très discrète qui est capable de passer des Sliver Mods and Amy Taylor à, comment dire, aux Anglais, non, aux Américains beaucoup plus tranquilles, des Black Keys, surtout lorsqu'ils chantent Little Black Submarine. Soyons clairs, pop and rock est une ligne éditoriale. Si, je vous assure, même si pour vous ce n'est pas toujours évident. On aime le rock, qu'il soit punk et anglais, ou bien qu'il pue le purin américain. From the dusty mesa, a looming shadow grows. Poison Creoso. She twines her spines up slowly towards the boiling sun. And when I touched her skin, my fingers ran with blood. Aimez tous les artistes qui passent ce soir et tous les lundis entre 17h et 18h dans Pop and Rock sur RVR, foncez sur la page Facebook de Pop and Rock, les petits enfants du rock. Forsaken cure. There ain't y a quelques semaines, nous avons découvert de Mars Volta au travers d'un album acoustique. Le groupe texan envoie ce soir une mélodie douce amère dont je ne me lasse pas, surtout avec le titre Graveyard Love qui arrive, reprise acoustique d'un titre sorti de leur album précédent. Ici, à la douceur de Mars Volta, on enchaînait la fougue de The Man. Écoutons Breeze. We'll be right back. L'heure de nous quitter arrive et il y a quelques mois, je confiais régulièrement la mission du au revoir au père du grunge, leader de Use Your Due et aujourd'hui artiste solo, Bob Bull de referme avec force et douceur notre 226e pop and rock sur la trail locale RVR. Je reviens quelques secondes parce que j'avais oublié notre bis à tous.